Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le chantier de construction du complexe ophtalmologique Ryugyong. Il a été accompagné des cadres responsables du parti et de l'armée. Il a dit qu'il s'est avisé il y a longtemps de construire un complexe ophtalmologique moderne à l'intention du peuple et qu'il a voulu le construire à tout prix. Il s'est exprimé très content de la construction qui bat son plein. Après avoir vu le plan de disposition et la vue en plan du complexe, le camarade Kim Jong-un a donné des instructions de valeur en faisant le tour du chantier de construction. Il a dit « L'important est de construire l'intérieur et l'extérieur de façon à faire du complexe un hôpital spécialisé et aussi un centre de service médical universel et multifonctionnel destiné même à la fabrication de lunettes. La décoration de l'extérieur doit être particulière selon la demande du dessin pour donner l'idée d'un hôpital ophtalmologique et tous les éléments du bâtiment doivent être au niveau suprême. Il faut construire des pavillons pour des malades qui viennent en consultation et pour des hospitalisés, et un magasin des instruments d'optique pour qu'ils se conforment à l'esthétique moderne et qu'ils soient favorables au traitement des malades et aux services. Pour assurer parfaitement l'esthétique, le confort et l'utilité du bâtiment, la collaboration doit être renforcée entre les unités chargées du dessin, de la construction et de la gestion. Il faut se montrer plus responsable et plus exigeant, et la supervision doit être comme il faut. On doit accélérer la construction et en même temps bien faire dès maintenant des préparatifs pour une bonne gestion de l'hôpital. Le complexe ophtalmologique Ryugyong doit être l'hôpital spécialisé le plus développé dans notre pays. Le parti sera chargé entièrement d'envoyer tout l'ameublement et des équipements médicaux modernes nécessaires à la gestion de l'hôpital. Des mesures seront prises pour disposer dans le magasin des instruments d'optique du complexe tous les moyens matériels et techniques pour qu'ils fabriquent des lunettes selon le diagnostic et la prescription scientifique et qu'ils servent des lunettes de différentes formes et multifonctionnelles conformément au goût des clients de tout sexe et de tout âge. Une fois achevé le complexe, nous pouvons dire que nous avons construit chaque année, dans le délai de ces quelques dernières années, un centre de service médical moderne pour le traitement de différentes maladies. Cela est une manifestation évidente de la supériorité du régime sanitaire socialiste de notre pays, où le parti et l'État sont entièrement responsables de la vie et de la santé du peuple. Il faut faire de sorte que notre peuple constate réellement la supériorité du régime socialiste, non à travers une publicité, mais les bienfaits sociaux comme le régime sanitaire socialiste. Pour cela, le complexe ophtalmologique Ryugyong aussi doit être construit en hôpital populaire qui reflète telle quelle l'idée de notre parti qui fait grand cas du peuple, qui le respecte et qui l'aime. Le respecté camarade Kim Jong-un a invité à achever aussi vite que possible le complexe ophtalmologique Ryugyong à l'intention du peuple, un hôpital digne d'être présenté devant le monde entier, hôpital impeccable à léguer à la postérité, et exprimer la certitude que les bâtisseurs livrent une campagne pour créer la vitesse de maniement dans le cadre de l'application de la résolution du 7e congrès du Parti du Travail de Corée pour achever à merveille le complexe ophtalmologique Ryugyong avant le 10 octobre anniversaire du parti.